Mes amis, vous avez vu? Ça a pas traîné. Je parle de l'histoire de l'affaire de ce militaire de 47 ans qui s'était enfermé dans un dépôt de munitions et qui menaçait de le faire sauter si on le réintégrait pas dans l'armée. Ouais. Eh ben, c'est à qui qu'on a demandé d'aller parler au Bidas? Non. À Bibi. Ah, d'accord. Ah oui, je me suis donc retrouvé dans le nord avec les gendarmes. Bon, ça donne quoi la situation? Eh ben, le gars, il est là-bas, il a tout fait péter si l'armée ne l'embauche pas. Il est dangereux, le gars? Mais on sait pas. Bon, ben, on va vérifier tout de suite. Eh, hey, Ducon! Oh! Ducon! Prépare ton cartable! Je viens de chercher! Bon. C'est apparemment, il a l'air armé. Je vais ruser. Eh, hey mec! Si tu sors tranquillement, je te présente la nouvelle Miss France! Bon, à première vue, il aime pas les plantes vertes. J'essaye encore. Si tu veux, je t'emmène voir Bridget Jones au cinéma! Bon, il aime pas non plus les grosses qui dépriment. Excusez-moi, monsieur Helmut, mais il y a quelqu'un qui vous demande. Ah bon? C'est qui? Salut, Helmut! J'ai appris que tu avais problème avec militaire psychopathe! Ah, c'est toi, mon zozou. Ben oui, je sais pas quoi lui proposer. Il refuse tout depuis tout à l'heure. Je crois que je vais être obligé d'y aller avec Gunther. Mais non, attends, je vais le chercher au militaire. Le zouzou, c'est comment faire? Je vais lui chanter de l'amour et après je vais lui faire l'amour. Ouais, pourquoi pas? Bon ben vas-y. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé de dresseur. Je serais, je pense, même pour en avance, au rendez-vous de nos promesses. Et alors, il se passe quoi? Ah non, mais c'est dingue, regardez ça! Il a réussi, mon zouzou! Il revient avec le militaire dans les bras! Bon, bon, ben, faites dégager vos hommes. Et pourquoi ça? Ben, pour que le zouzou, il consomme sa récompense. C'est bon, mon zouzou! Tu peux y aller, on s'en va! Et c'est comme ça, mon Christophe, que le zouzou a sauvé l'affaire. Avec les sentiments. C'est quand même marrant comme histoire, hein. Le mec, il menace de faire sauter tout un dépôt de munitions, et au final, c'est lui qui se prend un missile. Oh. Allez, au revoir.